Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler avec notre ami Michel Lallemand du club de golf de Chibougamau. Salut Michel! Bon matin, Danny! Michel, si on parlait du club de golf de Chibougamau, est-ce que, dis-moi, il y avait la Coupe des champions en fin de semaine? Oui, la fin de semaine dernière, donc, on avait 25 joueurs en classe A. Le gagnant a été Andrew Scapio avec 77. En classe 2B, Régent Côté, 83. Et en classe B, Normand Baudry, 92. Donc, ce sont nos trois gagnants de la deuxième qualification. La troisième va avoir lieu samedi prochain, le 5 juillet. Donc, samedi 6 juillet. Ouais, ouais. OK. Y avait-il pas mal de participation? Ça joue, je te dirais, entre 24 et 30 joueurs. Okay. Ça dépend de la disponibilité. C'est vraiment pour ceux qui aiment la compétition, parce que c'est un 18 trous individuel par classe. Okay, ceux qui aiment moins ça, on a d'autres formules. On a souvent ce qu'on appelle les vendredis animés, où on a des formules amicales les semaines aussi. Bon, OK. Donc, je veux te parler de... On ne s'est pas parlé la semaine passée avec la chronique du club de golf de Chibougamau. Il n'y a pas eu de chronique la semaine passée, mais Marc-Olivier Bougie a gagné un tournoi régional. Ça a été quand même quelque chose d'intéressant. Hein? Oui, il y a deux semaines, il y a... C'est lui qui a été le grand gagnant du fildé au club de golf de Chicoutimi avec un excellent 72, soit la normale. Marc-Olivier, c'est vraiment notre fer de lance ici à Chibougamau. C'est-tu un gars qui peut remplacer... Ben, on en a parlé les autres années, là, mais sur la scène régionale, il peut-tu remplacer Pierre-Alexandre Bédard un peu? C'est dans le moule. C'est sûr que c'est okay. Peut-être pas au même niveau parce que, contrairement à Pierre-Alexandre, Marc-Olivier a été 5-6 ans à l'extérieur du golf, mais depuis 3 ans, il consacre beaucoup de temps et prend ça vraiment au sérieux. Okay. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, frappe très bien la balle, sinon un long frappeur, très habile au niveau de la partie, la courte partie. Donc, les approches, le putting, on le voit au niveau régional. L'année dernière, il avait gagné ici à Chibougamau. Là, il commence la saison. Cette année, il veut en faire être très présent. Il est à Arvida. Il va être à Dolbeau la semaine prochaine. Probablement un des meilleurs au niveau du circuit okay. pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean Chibougamau. Ouais, OK. Donc, écoute, il est vraiment fort, là. Écoute, il a 16 ans, je pense, hein? Non, il a 24 ans. Ah, il a 24 ans, c'est okay. Même âge que Pierre. Ah, OK, c'est un... 24 ans, c'est... Okay. Même okay. âge que Pierre-Alexandre. OK, OK. Donc, voilà. Si on parlait maintenant, il y a un tournoi en fin de semaine? Oui, en fin de semaine, c'est le tournoi du député, M. Denis Lamotte. C'est au profit du club de golf. On devrait regrouper entre 60 et 80 joueurs. Donc, c'est une formule amicale qui est offerte autant aux non-membres qu'aux membres. Ça va se tenir samedi le 29, ici à notre club de golf. OK. Donc, habituellement, c'est un bon tournoi également. Normalement, les députés... Denis Lamotte, c'est-tu un PQ? C'est-tu un PQ? C'est-tu un libéral? Oui, c'est okay. un caquis. Ah, c'est un caquis, OK. C'est notre député régional au niveau provincial pour la coalition Avenir Québec. OK. Ça fait le tour pour cette semaine? On peut peut-être parler vite de notre programme junior. On avait 6 jeunes qui étaient présents hier au club de Saint-Prime. On en a 22 dans notre programme développement. On a une vingtaine dans notre programme d'initiation. Donc, on continue à mettre beaucoup d'emphase sur le développement et l'accessibilité à coût très, très, très abordable pour les jeunes qui veulent pratiquer le golf à Chibougamau. OK. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. Michel, on s'en parle bientôt. Ça fait le tour cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. Michel Lallemand du club de golf de Chibougamau.